assister à sa banalise. Allez, monsieur Tambourin, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Préparez-vous mentalement. Ouais, mais ça me dérange pas, je trouve ça bien. C'est un peu la représentation du bon goût. Du bon goût, pardon. Ça donne envie de voir des boîtes de cut. Le parrain! Ouais! Oh la vache! C'est pas possible! Je vous y attendais pas! Ouais, y'a Guigui! Moi je l'avais deviné dès le début de la musique. Ah, parce que c'est par l'italien, on aurait pu être sur la piste. Tu peux baisser un tout petit peu la musique, Pierre, s'il te plaît? Parce que c'est très fort dans mon oreille. Game of Thrones. En plus, c'est un mec qui fait des claquettes en même temps. C'est quoi dans le jeu? En fait, c'est une meuf, elle joue mal de la flûte, elle tape sur une poubelle, elle le fait plus longtemps. C'est l'orchestre de la chef. Je pense qu'il y a un peu de second degré derrière parce que. Mettre ça sur YouTube comme ça, on va reconnaître. Bah, regarde ce que t'es en train de mettre sur YouTube. Ouais, j'ai vu. Allez, suivant. C'est pas vraiment la musique du film. Are you an Indian? So you two, dig up dinosaurs? Jurassic Park! Ouais. Putain! Mais faut laisser parce qu'en fait, c'est un remix du rire de Jeff Goldblum. Victor, ça vaut ton rire. On peut faire un son là-dessus. Mathieu, s'il est mort, ça t'a tué. Le rire de Christophe Lambert et on fait. Et il y a des dinosaures dans notre parc à dinosaures. Non. ASMR. Tu sens la vieille caméra. C'est Matrix. En fait, elle posait sa caméra. Le Star Wars. Ouais. La cantina. Voilà. Quel est le nom du groupe? American Beauty. James Bond. Batman. C'est Batman. Oui. Oh. Il y a de la puissance quand même. Je vais plus compter de ce sound tyrambique. Tu sais, tu vas sans. Gotham, ici c'est Gotham City, ici c'est Gotham. Batmobile, ici Batmobile, ici. Allez, les bat-rappeurs, on passe à autre chose. Les bat-rappeurs. Dis la réponse dans le micro, je crois. Tron. Hotline Miami. La reine des neiges. Putain. C'est trop le cul, genre. Surprise. Elle est partout, cette salope. Pardon. Jalouse. Non, je l'aime pas, je la déteste. Parce qu'elle est moche. C'est gratuit, c'est un peu, non? C'est un personnage fictif, c'est pas grave.

jamais tu arriveras à démarrer ton émission. Non. Exact. Non, mais c'est-à-dire, moi, mon défi, c'est de ne pas commencer mon émission. Non, voilà. Ton défi, c'est de commencer. Parce nous, c'est de te l'empêcher. J'ai promis de l'hypnose, mais je ne sais pas faire d'hypnose. C'est un mensonge et il le croit encore. Voilà, donc les auditeurs sont dans la confidence et les autres ne le savent pas. Donc ne leur dites pas. Donc du coup, tu vas nous parler de toi. Que fais-tu, Rémi ? Pourquoi es-tu invité à la Nuit Anonyme ? Parce que j'habite pas loin. C'est une bonne réponse. Parce que personne ne veut venir. Non, j'ai été invité à la Nuit Anonyme parce que je suis... Mais toi, tu es youtubeur, il me semble. Un petit peu. Sur le fils caché de Patrick Beau. Alors, il y a eu un essai de chaîne YouTube... Et il y a quelques vidéos de moi qui fait de l'hypnose aussi disponible. Donc tu n'es pas tout à fait anonyme. C'est peut-être le plus célèbre d'entre nous. Eh oui, oui, 1200 vues sur la vidéo d'hypnose. C'est le plus célèbre de nous de tous. C'est le fait d'être fan de Nagui, ça. J'ai été fan de Nagui plutôt. Et donc, peut-être une pénis. Oh, c'est casé! Peut-être une chaîne YouTube qui arrivera plus tard dans ma vie. Très bien. Des pénis ou rien à voir ? Oh, pourquoi pas ? L'hypnose est-ce que... des pénis. Tu vas te redresser les pénis. Combo. Et tu vas est-ce que tu vas jouer de la flûte comme les serpents ? C'est quoi cette alors, Mathias, si tu as déjà vu un serpent jouer de la flûte, c'est que tu as vraiment un problème de drogue. Mais c'est quoi ? Mais c'est quoi ces clichés dégueulasses ? Je suis. C'est pas de l'hypnose. Bah, ouais, c'est bon, hein, on peut être ignorant. Hein. Non. Non. Va-t'en. Ok. Si je me casse, il n'y a plus aucun savoureux ici, c'est n'importe quoi. Ah, on a un nouveau commentaire. Oh, oh. On demande le nom de sa chaîne. Ah, le nom de ma chaîne pour les auditeurs attentifs. Alors, c'était il y a un peu deux ou trois ans, donc ça a sans doute vieilli et c'était pas forcément génial. Mais ça s'appelle Aeweird au pays des merveilles. Donc Aeweyrd au pays des merveilles. Voilà. Donc ça, c'était mon échec. Aeweird, c'est Alice en belge. Voilà. Non. C'était la blague de merde. C'est le point culture. C'est le point culture. C'est tout le monde a fait.